quand il fait chaud. Chaud. Chaud. Je préfère quand il fait beau. Beau. Beau. Je préfère quand il fait. L'humeur ambiante va revenir. C'est l'été. Sur le visage des gens on voit des sourires. C'est l'été. Terminer les devoirs à n'en plus finir. C'est l'été. Et c'est mieux car l'hiver nous a fait souffrir. Terminé. Les pare-brises tous congelés. Les manteaux et les monnaies. Ça n'est plus d'actualité. Il y a toutes ces places qui sont bondées de gens quasi dénudés. Venus pour se faire bronzer. Non mais attends là, tu es vraiment chaud. Je préfère quand il fait chaud. Chaud. Chaud. Je préfère quand il fait beau. Beau. Beau. Je préfère quand il fait chaud. Je préfère quand il fait chaud. Chaud. Chaud. Je préfère quand il fait beau.